c'est vrai. Voilà, Jean-Claude Nko de la République du Congo, Brazzaville. Alors ouais. Dites-moi, le sommet de la francophonie ou la francophonie, que représente-t-elle pour vous ? Le sommet et la francophonie, pour l'instant, c'est à peu près la même chose. Ça représente tout simplement pour moi, jusque-là, un espace culturel pour la valorisation de la langue française. Mais en vérité, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ça devienne davantage un espace de lobbying pour tous les pays du monde qui ont le français comme langue commune. Lobbying en termes de développement, parce que la plupart de ces pays sont notamment en voie de développement. Et donc, on voit mal, je veux dire, au moment actuel où la question est plutôt celle du développement économique, pourquoi est-ce que la francophonie s'arrête-t-elle notamment, principalement sur le plan culturel ? Donc, il faut aller un peu plus loin et créer un espace de lobbying. Merci. La même question pour vous ? Que représente pour vous le sommet de la francophonie, la francophonie en général ? Ben, je vais vous surprendre pour vous dire que c'est une boule de neige qui se dissout avec tout le soleil brillant lorsqu'on est sur un continent qui lui-même se chauffe parce qu'il y a la pression climatique. La langue française qu'on veut sauvegarder à travers la francophonie n'est rien d'autre que l'exploit culturel des hommes les plus développés comme la France, comme le Canada, qui veulent avoir la mainmise sur certains de par le monde du reste qui parle la langue française. Mais elle apporte quoi aujourd'hui ? Elle apporte rien sauf qu'un déterminant culturel, juste à s'identifier par le fait de parler la langue. On aurait aimé pour nous Africains, moi j'en suis un, valoriser une langue africaine qui est à la fois écrite et parlée. Je prends le cas de la langue éthiopienne qui est très bien écrite et bien parlée. La Mari. Si les Africains du Sub-Sahara convenaient à vulgariser cette langue-là comme instrument de développement culturel et économique, vous verrez qu'on sortirait l'ornière. Mais ceci serait s'attacher à une néocolonisation qui ne dit pas son nom. Merci.